Dis-moi mon cœur, tu pourrais m'aider à ouvrir la confiture? Faut que j'aille au boulot, j'ai pas beaucoup de temps. Oui, bien sûr, chérie. Bon? Ça vient, ça vient. C'est pas grave, je peux manger du Nutella sinon. Ah mais non! C'est bon, je suis con. Des fois, il suffit juste de le taper un peu contre le bord de la table, comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est moi, Capitaine Muscle! Est-ce que vous avez besoin d'aide? Oui, mon mari n'arrive pas à ouvrir le pot de confiture. Mais donne-moi ça, homme de peu de muscles. Tenez. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Voyez-vous, avec les apports alimentaires des protéines Capitaine Muscle, rien de tout cela ne serait arrivé. Mais vous êtes complètement malade! Enlevez la femme du studio. Mais c'est pas un studio, c'est chez moi! Alors si vous aussi, vous en avez marre de ce genre de situation où votre virilité peine à se faire ressentir, courez dès maintenant vous acheter des muscles! La faiblesse est un symptôme qui touche près de 9 hommes sur 10 aujourd'hui. Et sachez que les salles de sport et les combats de rue ne suffisent pas toujours à régler ce problème. Une bonne alimentation est à la base d'une bonne musculature. 2 bols de mes super protéines, Capitaine Muscle par jour, et vous pourrez enfin devenir le séducteur attirant et misogyne que vous rêvez d'être. Et je vous garantis que plus jamais, vous n'aurez d'ennui avec qui que ce soit. Regardez ces perchistes! Bon, quoi encore? On avait dit pas le perchiste! Eh ben qui d'autre? Il est déjà par terre, l'autre maigrichon. C'est pas possible. Bon, on va trouver une autre maison. Retouche maquillage sur Monsieur Muscle. Excusez-moi, par rapport à ça, mon nom de super-héros à moi, c'est Capitaine Merveille. On est obligé de changer? Votre nom de? Super-héros. D'accord. Pardon, qu'est-ce que vous faites? Je tape super-vilain sur actualité. Rien. Hé hey, les gars, vous avez entendu parler d'une attaque de super-vilains récemment? Voilà, donc en attendant, écoute-moi bien, Capitaine Super-Efficace. Ton métier là, il sert plus à rien aujourd'hui. Donc si tu veux bouffer quelque chose ce soir, tu bouffes ta poudre protéinée de merde ultra-chimique avec un grand sourire. Et quand on appelle Capitaine Muscle, tu réponds « Oui, monsieur !» Compris? Vous serez bien content de m'avoir quand un super-vilain débarquera. Les super-vilains, ça n'existe plus. Fais ton boulot. Là! Non, c'est pas ça, non. Pourtant, j'avais le truc, là. Ah! Donc ça, c'est votre grande trouvaille. Si le rond... Ne soyez pas cynique, numéro 4. Rentrez là. Et c'est quoi la suite de l'exercice? Rentrer le rond dans le trou rond? Non, c'est pas ça. Il a déjà fait le rond. Là, il essaye l'étoile. Mais c'est génial! Quoi donc? Rien, vous venez d'inventer de la stupidité. C'est assez incroyable, quand même. Quand le monde va le découvrir, il va tout de suite vouloir s'en emparer. Numéro 4. Ah, mais attendez. Le monde est déjà stupide. 14 n'est pas stupide, c'est un enfant. Un enfant chauve d'1m83, j'appelle ça un idiot. Il va apprendre. Son cerveau est suffisamment jeune pour se structurer à une vitesse hallucinante. Selon mes calculs. Et vos calculs ont été corrects jusque-là? J'ai eu un peu de retard depuis que vous savez qui est parti. On était complémentaires sur ce genre de choses. Maintenant, je dois rattraper ce qui peut plus m'apporter, forcément. Vous l'avez dit au numéro 6. De quoi qu'il parle? Oui. Oui, c'est fait. Et il a dit quoi? C'est la même personne, vous devriez le savoir. Bon, il a peur que le fait que le numéro 14 ait une partie de son hippocampe intact lui fasse se rappeler de choses qu'il n'est pas censé savoir. Et il a raison. Vous savez aussi bien que moi que le cerveau a encore de nombreux mystères, on ne sait pas exactement ce qui peut se passer. Mais je continuerai de remanier la formule pour réussir à comprendre où sont les limites de ce que nous pouvons créer. Vous savez ce que j'en pense. Vous savez, rien ne vous oblige à rester. Je me demandais juste, pourquoi 14? Comment ça? D'autant que j'arrive à me souvenir, après le numéro 6, on avait fait 3 essais qui ont échoué, et on s'était arrêté à 9, c'est pas ça? 10, 11 et 12 ont bien vu le jour, mais j'ai dû reporter la suite des tests à cause de petits problèmes linguistiques. Comment ça? Bienvenue au monde, numéro 10. Comment est-ce que tu te sens? Je sais pas exactement ce que je fais là, je dois dire que j'ai peur en premier lieu, et à cette sensation s'ajoute une grande incompréhension globale de ma position actuelle, aussi bien géographique que physique. C'est vrai que je sais pas pourquoi je suis tout nu assis dans du liquide gluant, et puis existentiellement ça va pas fort, je sais pas qui je suis, et visiblement j'ai un numéro qui m'a été attribué par un mec moche, il fait froid, j'ai peur, j'ai soif, et même si je suis pas bien sûr de savoir ce que ça veut dire, et puis quand est-ce que je... Il disait tout ce qu'il pensait? Voilà, je vous laisse imaginer l'horreur. Et du coup j'ai essayé de rectifier. Et je crois que j'ai trop rectifié. Bienvenue au monde numéro 11. Comment tu te sens? Je suis pas numéro 11, je suis Xorban Neutre 1225. Et j'ai pris possession du corps de votre création dans le but de réaliser une mission de la plus haute importance. Veuillez enlever tous vos vêtements et les remettre aux autorités. C'est pas vrai, j'ai menti. Paniquez pas. Par contre, mon sang est acide et je crache du venin, alors je m'approcherai pas autant. Ah, mais c'est lui que j'ai croisé. J'ai vu un type avec un sac plastique sur la tête tout à l'heure. Je lui ai demandé ce qu'il faisait et il m'a dit qu'il venait réparer les gouttières. Ouais, on peut jamais vraiment prévoir ce qu'il va faire, donc c'est un peu lourd. Bon, numéro 13, je sais que ça a été un échec à cause du disjoncteur. Numéro 12, du coup. Bon, bienvenue au monde, ça va? Je sais pas. Tu sais pas? Non? Vous en pensez quoi, vous? D'accord, j'ai compris. Donc juste, on... On est là. Maintenant que j'ai réussi à tout équilibrer, il me manque plus qu'à créer des équipes, des factions complémentaires et de leur donner des personnalités pour leur apprendre à être efficaces et mobiles. Yes! Ah, ouf! Docteur Monobo, ça compte si j'ai forcé fort sur le truc mais que j'ai pas cassé mes doigts ce coup-ci? Il y a du boulot.